Comment lui dire avec des mots plus simples que je la protège? C'est pour ça que je ne me jette pas dans ses bras. Elle mérite un homme parfait, un vrai. Je ne suis pas fait pour elle. Je suis un moins que rien.